Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les énigmes de l'histoire de France, tel est le titre de l'ouvrage collectif que nous proposent les éditions Perrin en coédition avec le Figaro Histoire, un ouvrage publié sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Bienvenue à Jean-Christian Petit-Fils pour nous parler de ces sujets captivants, parfois sulfureux, qui depuis tant d'années font les beaux jours de notre rendez-vous, les Templiers, l'affaire du Collier, Rennes, le Château et le reste. Ses spécialités à lui, l'étrangement mort d'Henri IV, dont nous allons parler là tout à l'heure, et puis bien sûr, ce masque de fer dont je vais vous rappeler tout de suite quelques curieux aspects. Et à la fin de l'émission, vous ferez retour, Franck Ferrand, sur les origines des noms, des repas, le déjeuner, le dîner, le souper, et on verra qu'un glissement s'est opéré de siècle en siècle et que le dîner est devenu le déjeuner, le souper est devenu le dîner. Voilà, exactement, ne révélez pas tout de suite, n'oubliez pas, chère Anissa, que c'est le jour sur Europe 1 des énigmes et des mystères. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Novembre 1703, au fort parisien de la Bastille, meurt un prisonnier appelé à faire parler de lui. Voyez à peu près à quoi ressemble la Bastille, hein, cet énorme complexe médiéval aux murs immenses avec des tours rondes massives. Jean-Christian Petit-Fils, dans son livre sur le masque de fer, rappelle qu'on y enferme des détenus de toutes sortes, depuis le simple chenapan ramassé dans les rues par le guet jusqu'au riche gentilhomme et au fils de famille prodigue, en passant par le huguenot opiniâtre et l'empoisonneur patenté. Alors, qui est mort à la Bastille ce jour-là? J'ai un peu défloré le mystère, pour le coup. Voici le compte-rendu du décès signé du lieutenant du roi à la Bastille, le personnage le plus important donc de la prison après le gouverneur. Le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, de Saint-Marc-Gouverneur a mené avec lui en venant des îles Sainte-Marguerite, qu'il gardait depuis longtemps, lequel s'étant trouvé hier un peu mal en sortant de la messe est mort aujourd'hui sur les 10 heures du soir, sans avoir eu de grandes maladies. Monsieur Giraud, notre aumônier, le confessa hier surpris de sa mort. Il n'a pas reçu les sacrements et notre aumônier l'a exhorté un moment avant que de mourir, et ce prisonnier inconnu, gardé depuis si longtemps, a été enterré le mardi à 4h de l'après-midi 20 novembre dans le cimetière Saint-Paul de notre paroisse. Sur le registre mortuaire, on a donné un nom aussi inconnu que monsieur de Rosarges, major, et monsieur Rey, chirurgien, qui ont signé sur le registre. Dans la marge, on peut lire « J'ai appris depuis qu'on l'avait nommé sur le registre monsieur de Marchiel ou Marquiel, qu'on a payé 40 livres d'enterrement ». L'acte de décès indique exactement le nom de Marchioli, en fait, âgé de 45 ans ou environ. Ce document, établi par le curé de la paroisse Saint-Paul, a disparu lors de l'incendie de l'hôtel de ville en 71, c'est au moment de la commune, mais heureusement il avait été reproduit en fac-similé l'année précédente, ce qui nous permet d'en disposer. Voilà donc tout ce que l'on sait de ce prisonnier qui vient de mourir, ce dénommé Marchioli ou Marchiali, âgé de 45 ans environ et qui portait un masque de velours noir. À part cela, j'ai envie de dire rien. Mystérieux prisonnier dont on ignore la sépulture, son corps n'a jamais été retrouvé. Alors, il ne reste rien du cimetière Saint-Paul qui a été abandonné en 1796 à l'exception d'un pan de mur de l'église. Certains prétendent qu'on avait enduit le corps, qu'on avait essayé de verser sur le visage notamment un produit corrosif pour empêcher qu'on le reconnût. D'autres assuraient qu'on lui avait coupé la tête. Et il y avait même une rumeur au lendemain de l'inhumation qui disait que le fossoyeur, à la demande d'un curieux, avait déterré le cadavre et eu la surprise de trouver une grosse pierre à la place. Bon, tout ça, on a beaucoup parlé, hein, que voulez-vous. Au-delà de ce mystère, le prisonnier, disons-le, le prisonnier dont nous parlons, cet homme mort en 1703 à la Bastille, est un véritable mythe. Qui est-il, cet homme, au masque de velours et non pas de fer, comme le voudrait la légende? On dit qu'il a une taille élancée, des cheveux blancs, la voix douce et agréable. Forcément, c'est un petit peu court, assez pour attiser la curiosité de ceux qui, au fil des siècles, ont voulu essayer d'y voir autre chose, d'y voir quelqu'un plutôt. Il faut dire que tout semble avoir été fait pour cela, puisque son premier geôlier aimait lui-même entretenir le mystère autour de ce prisonnier, comme quand il écrit au ministre de la guerre, à l'époque Louvois, on est en 1670, que le prisonnier masqué est incarcéré à Pignerolles. Il dit « Il y a des personnes qui sont quelquefois si curieuses de me demander les nouvelles de mon prisonnier ou le sujet pourquoi je fais faire tant de retranchements pour ma sûreté que je suis obligé de leur dire des contes jaunes pour me moquer d'eux. » Des contes jaunes, autrement dit, de leur inventer les balivernes, si vous voulez. Une cinquantaine de thèses, des centaines, je dis bien des centaines de livres et d'articles ont été publiés sur le sujet. Le cinéma, la littérature, évidemment on pense à Alexandre Dumas et au vicomte de Bragelonne. Beaucoup, beaucoup se sont inspirés du masque de fer, on a beaucoup pataugé. Aujourd'hui existe un guide pour se repérer au milieu des hypothèses. Le guide en question s'appelle Jean-Christian Petit-Fils, il est assis dans ce studio, ça nous aide, évidemment. Alors, commençons peut-être par reconnaître les limites. On ne sait pas vraiment quand a commencé l'incarcération de celui qu'on va appeler le masque de fer, oui. Si vous voulez bien. Certains disent 1665, d'autres 1669. Ce qui est certain, c'est que son itinéraire de captif commence dans les Alpes, à Pignerolles, ce qui en italien veut dire la ville des pins. C'est une ville qui aujourd'hui est située dans le Piémont, donc qui est italienne, mais à l'époque elle appartenait à la France depuis 1630. La cité en question est dominée par une forteresse dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas accueillante. Je cite Jean-Christian Petit-Fils. C'était un vieux château médiéval biscornu, avec ses ajouts et ses remaniements. Bien qu'il ait été totalement rasé en 1696 lors de la restitution de la place au duc de Savoie, on connaît assez bien sa configuration grâce notamment aux recherches de l'architecte de la ville. Il se composait de 3 corps de logis hétéroclites, flanqués de 5 tours rondes, 4 d'angles et une médiane. Celle du nord-est, à laquelle était accolé un petit clocher, servait de chapelle. Celle de l'est, à moins que ce ne soit la tour médiane du sud, était la fameuse tour d'en bas, qui contenait des cachots de prisonniers d'État. Voilà l'histoire. Un lieu très dur, hein, conforme à la devise de la cité, 12 au seigneur, très dur à l'ennemi. Le climat est rude dans la région, très chaud en été, très froid en hiver où il neige constamment. Les conditions de détention ne sont pas moins correctes à l'intérieur de la forteresse. C'est le cas en tout cas pour ce masque de fer, si l'on en croit la lettre de Louvois au gouverneur de Pignerolles, donc le fameux Saint-Mars, le 25 septembre 1669. « Lorsque le prisonnier sera malade, vous pourrez le faire traiter et médicamenter selon qu'il en aura besoin sans attendre de l'ordre pour cela. » Bon, à Pignerolles, à l'époque qui nous intéresse, donc celle du masque de fer, 2 personnalités très importantes sont en détention. Évidemment, le célèbre Nicolas Fouquet, surintendant des finances arrêté en 1661 par D'Artagnan, vous rappelez toute cette histoire. Il réside ici depuis 1665, il y restera jusqu'à sa mort en 1680. Il vit dans une cellule qui, sans être luxueuse, est tout à fait correcte, puisque en tout, le complexe carcéral, si je puis dire, où vit Fouquet, mesure environ 100 mètres carrés. Et puis l'autre célébrité, non moins célèbre, Lauzun, qui est là de 1671 à sa libération en 1681. Vous connaissez Lauzun, on avait fait l'émission sur lui, hein, ce courtisan complètement turbulent. Alors d'ailleurs, Lauzun et Fouquet ont été autorisés à communiquer, ne serait-ce que pour tromper leur ennui, si vous voulez. Quand même, leurs conditions de détention se sont adoucies avec le temps. Fouquet, comme Lauzun, sont gardés par le fameux Bénigne de Saint, ça s'écrit Saint-Mars, c'est l'homme clé de l'affaire, celui qui se trouve le mieux placé pour connaître l'identité du masque de fer, ne dit-on pas de lui qu'il est même le seul à pouvoir véritablement l'approcher. Alors, qui est-il ce bonhomme, ce Saint-Mars? Il est né Bénigne d'Auvergne, il est né en 1626 près de Montfort-l'Amaury. Dès l'âge de 12 ans, il entre dans les armes comme enfant de troupe, il va gravir les échelons de la hiérarchie militaire. Son père était capitaine d'infanterie, c'est lui qui avait adopté le nom de guerre Saint-Mars, pas besoin de l'expliciter. Le futur geôlier sert sous les ordres du prince de Condé au moment de la Fronde, dans la compagnie de son père. Puis à partir de 1660, il devient brigadier à la première compagnie des mousquetaires sous les ordres d'un certain Charles de Bas. Charles de Bas, qui n'est autre que D'Artagnan, bien entendu. Ensuite, il est nommé gouverneur et maréchal des logis du donjon de Pignerolles, où il arrive en janvier 1665. Il est je cite, « comme un bulldog rusto dur, implacable sur la discipline, n'hésitant pas à faire bastonner ou enchaîner les récalcitrants, à faire fusiller les soldats déserteurs, mais qui parfois intervenait en faveur de ses pensionnaires. » Il rêve toujours de faire la guerre, car il est avant tout un militaire. Seulement, le temps passe, que voulez-vous? Il sait qu'on ne fera plus appel à lui maintenant, de moins en moins, même sûrement plus du tout. Et ça l'a rendu acariâtre, cette affaire. Ça l'a rendu pour le moins taciturne. Dans son ouvrage sur les légendes du masque de fer, Nicolas Carreau rapporte le portrait peu flatteur que donne de ce monsieur le premier historien de la Bastille, qui était Constantin Drenneville. Saint-Mars était un petit homme très laid, très mal fait, qui paraissait âgé de 80 ans quand je l'ai vu la première fois, tout courbé, tremblant et d'un emportement terrible, jurant et blasphémant continuellement et paraissant toujours être en colère, dur, inexorable, cruel au dernier point. Il est vrai que ce monsieur, qui pourtant s'appelait Bénigne, ça tombait mal, si je puis dire, n'aura pas l'occasion de changer d'univers, puisqu'après Pignerolles, il est gouverneur à Aixilles dans les Alpes, puis sur l'île Sainte-Marguerite, donc au large de Cannes, et il va finir à la Bastille. Vous verrez qu'on a connu plus sympathique. Et à chaque fois, il emmène avec lui son prisonnier, ce masque de fer, qui donc, en 1681, va quitter Pignerolles pour une autre destination. De la bande originale du film L'homme au masque de fer avec Gérard Depardieu, Leonardo DiCaprio ou encore John Malkovich. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand vous entraîne au cœur des énigmes de l'histoire. La suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous entraînez au cœur des énigmes historiques. Celle dont vous nous parlez, c'est celle du masque de fer. Alors avant d'en savoir plus, avant de savoir ce qui s'est passé après qu'il ait quitté Pignerolles, j'ai quand même une question, moi, sur le contexte de l'époque, sur ces fameuses prisons. Est-ce que Louis XIV s'occupait de la sécurité intérieure alors, du royaume? Oui, alors il faudrait entrer dans le détail de tous les types de prisons. Là, je vous ai parlé uniquement de quelques prisons d'État où l'on envoie des gens sur lettres de cachet. C'est très spécifique, c'est un cas tout à fait minoritaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans cette période, là nous abordons la période des années 1680, c'est ce que, vous savez, c'est ce que Michel Foucault appelait la période du grand enfermement, et c'est vrai qu'il y a un basculement du règne de Louis XIV et la volonté d'essayer d'assainir en quelque sorte la société, de la ranger, de la polisser d'une certaine manière, et ces années 1680 ont été des années comparativement à tout ce que nous connaissons nous aujourd'hui, des années même incontestablement dur. Mais c'est l'époque, il faut faire la part là des mentalités, etc. En mai 1681, donc, le masque de fer quitte Pignerolles avec son fameux geôlier, dont nous avons pas mal parlé pour le moment, pour le fameux fort d'Aixilles, qui est situé à une cinquantaine de kilomètres de l'ancien lieu de captivité. Il emmène avec lui un autre prisonnier. Visiblement, le geôlier n'est pas très heureux. Pignerolles était un endroit, certes, assez rude, mais la nouvelle forteresse est encore pire. Malgré des travaux réalisés par Saint-Mars, nous dit Nicolas Carreau, tout est dans un état lamentable, délabré. Ce sinistre fort est juché sur un rocher au bas duquel coule une rivière, la Doire. Il n'y a rien à Aixilles, fort l'ennui. En 1687, le masque de fer va quitter ce nouvel endroit pour un troisième, l'île Sainte-Marguerite. Et c'est là que va commencer à se forger la légende. 17 avril 1687, le masque de fer quitte donc avec Saint-Mars Aixilles pour le fort Sainte-Marguerite. On est dans la baie de Cannes, vous savez, sur la côte d'Azur, la future côte d'Azur. Le trajet du prisonnier est évoqué par le geôlier au ministre de la guerre, donc à Louvois, dès le 20 janvier 1687. Si je le mène aux îles, je crois que la plus sûre voiture serait une chose couverte de toile cirée de manière qu'il aurait assez d'air sans que personne ne pût voir ni lui parler pendant la route. Pas même les soldats que je choisirais pour être proche de la chaise, qui serait moins embarrassante qu'une litière qui peut souvent se rompre. 8 Savoyards qui ne parlent que l'italien sont d'ailleurs recrutés pour ne pas parler aux prisonniers. Le convoi va mettre du temps à avancer, on prend même pas mal de retard et c'est à ce moment-là que Saint-Mars décide de faire porter le fameux masque d'acier à son détenu. Le convoi passe par plusieurs villes, Oube, Briançon, Embrun, La Bréole et puis le 25 avril Digne, Caslanes, Grasse et donc le 30 avril on est à Cannes. Ce jour-là, Saint-Mars s'embarque avec son prisonnier bien entendu pour le Fort Royal de l'île Sainte-Marguerite et une fois arrivé, il découvre un endroit alors là nettement plus agréable, on n'est plus dans les rigueurs alpestres. Nous sommes au soleil de la Provence, tout le confort nécessaire aux soldats, aux officiers, des casernes, des bâtiments, etc. Un plan d'attente Vauban fait même mention d'une boucherie, d'une boulangerie, de cabaret, d'une chapelle placée sous l'invocation de Sainte-Marguerite et d'un hôpital. Pour le masque de fer, ce n'est pas la même chose. Quand il arrive sur l'île Sainte-Marguerite, il est dans un triste état. Il a toujours ce fameux masque. Il est dans sa chaise à porteur recouverte de toile cirée, vous l'aurez compris. Saint-Mars s'adresse de nouveau à Louvois. Nous sommes là le 3 mai 1687, quelques jours après l'arrivée sur l'île donc. Mon prisonnier était malade, à ce qu'il disait n'avoir pas autant d'air qu'il l'aurait souhaité. Je puis vous assurer, monseigneur, que personne au monde ne l'a vu, et que la manière dont je l'ai gardé et conduit pendant toute la route fait que chacun cherche à deviner qui peut être mon prisonnier. On sent que ça l'intéresse, ça, Saint-Mars. Il est content de voir que ça crée un peu de curiosité, etc. La prison où est détenu le masque de fer est un endroit difficile, la plus sûre prison d'Europe, nous dit Jean-Christian Petit-Fils. 6 chambres sombres et voûtées s'alignant le long d'un corridor humide et salpêtré, des murs de près de 2 mètres d'épaisseur, 3 grilles solides que ronge l'air marin, 2 lourdes portes cloutées aux gonds inversés, cerclées de fer, décourageant tout espoir d'évasion. Jamais un rayon de soleil ne pénètre en ce lieu. Comment, avec de si épaisses murailles, entendre le chant des cigales, les bruissements de la nature, sentir l'odorante verdure et le souffle du vent délicat. Au cours de son séjour, le masque de fer, je l'appelle ainsi, fait l'objet d'une étroite surveillance. Le 6 janvier 1696, Saint-Mars fait de nouveau un compte-rendu au successeur de Louvois, successeur et à tous les sens du mot, puisqu'il s'agit de Barbezieux, hein, il s'agit de son propre fils. « Le premier venu de mes lieutenants prend les clés de la prison de mon ancien prisonnier par où l'on commence. Il ouvre les 3 portes et entre dans la chambre du prisonnier qui lui remet honnêtement les plats et les assiettes qu'il a mis lui-même sur les autres pour les donner entre les mains du lieutenant qui ne fait que sortir 2 portes pour les remettre à un de mes sergents qui les reçoit pour les porter sur une table à 2 pas de là où est le second lieutenant qui visite tout ce qui entre et sort de la prison, etc. etc. » Vous voyez qu'un peu le cérémonial qui a été mis en place. C'est assez extraordinaire. J'allais dire, c'est Fort Knox, c'était même mieux que ça. Il semble plutôt bien traité, ce masque de fer, pour le reste, évidemment. On verra beaucoup plus tard, en 1768, une lettre du petit-neveu du gouverneur Saint-Mars, qui s'appelait Fort Manoir, qui était en poste sur l'île au même moment que le prisonnier masqué, rapporte donc le témoignage de son oncle, le seigneur de Blanvilliers, qui dit « Il n'était connu aux îles Sainte-Marguerite et à la Bastille que sous le nom de Latour. Le gouverneur et les autres officiers avaient de grands égards pour lui. Il obtenait tout ce qu'on pouvait accorder à un prisonnier, etc. » La légende veut que le prisonnier de Saint-Mars se fasse servir ses repas dans de la vaisselle d'argent, que ses serviteurs soient respectueux, genoux à terre, etc. On a aussi d'ailleurs une description du prisonnier lorsqu'il ne porte pas son masque. Ça, c'est très intéressant. Le sieur de Blainvilliers, officier d'infanterie qui avait accès chez M. de Saint-Mars, gouverneur des îles Sainte-Marguerite et depuis de la Bastille, m'a dit plusieurs fois que le sort de Latour, donc c'est le nom qu'on lui donne, ayant beaucoup excité la curiosité pour la satisfaire, il avait pris l'habit et les armes d'un soldat qui devait être en sentinelle dans une galerie sous la fenêtre de la chambre qu'occupait ce prisonnier aux îles Sainte-Marguerite, que de là, il l'avait très bien vu, qu'il n'avait point son masque, qu'il était blanc de visage, grand et bien fait de corps, ayant la jambe un peu trop fournie par le bas, et les cheveux blancs, quoiqu'il ne fût que dans la force de l'âge, il avait passé cette nuit-là presque entière à se promener dans sa chambre. Voyez quand même déjà l'extraordinaire curiosité qui, sous le règne de Louis XV, se concentrent, on peut dire, autour de cette figure de ce masque de fer, enfin démasqué. Vous pourrez dire au moins une chose à l'issue de cette émission, vous aussi, grâce à ce témoignage, vous l'aurez vu sans masque. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur des énigmes historiques. Et la première est celle du masque de fer. Et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux avec presque une théorie par auditeur. Donc continuez à nous poster vos messages. Ça se passe sur la page Facebook au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. La suite du masque de fer, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors, nous sommes au cœur de l'histoire des énigmes, des grandes énigmes qui ont marqué l'histoire de France et notamment celle du masque de fer cet après-midi. Franck, il est temps maintenant de revenir sur ce transfert à la Bastille. Le masque de fer va être transféré. Donc là, nous sommes en 1698, oui. Vous voyez qu'on a beaucoup avancé dans le règne de Louis XIV. Et le gouverneur de la Bastille vient à mourir. Et donc celui qui va le remplacer, c'est le fameux Saint-Mars qui a 72 ans à l'époque et qui quitte Sainte-Marguerite avec son prisonnier, bien entendu. C'est sa principale publicité, si je puis dire. Alors, rappelez-vous le témoignage dont je parlais, hein, le témoignage de Format Noir, là, le seigneur de Blainvilliers, qui revient sur le parcours du prisonnier depuis Sainte-Marguerite jusqu'à la Bastille. L'homme au masque arriva dans une litière qui précédait celle de Monsieur de Saint-Mars. Ils étaient accompagnés de plusieurs gens à cheval. Les paysans allèrent au-devant de leur seigneur. Monsieur de Saint-Mars mangea avec son prisonnier, qui avait le dos opposé aux croisées de la salle à manger qui donne sur la cour. Les paysans que j'ai interrogés ne purent voir s'il mangeait avec son masque, mais ils observèrent très bien que Monsieur de Saint-Mars, qui était à table vis-à-vis de lui, avait deux pistolets à côté de son assiette. Il n'avait pour les servir qu'un seul valet de chambre qui allait chercher les plats qu'on lui apportait dans l'antichambre, fermant soigneusement sur lui la porte de la salle à manger. Lorsque le prisonnier traversait la cour, il avait toujours son masque noir sur le visage, donc ce masque plutôt de velours. Les paysans remarquèrent qu'on lui voyait les dents et les lèvres, qu'il était grand, qu'il avait les cheveux blancs. Monsieur de Saint-Mars coucha dans un lit qu'on lui avait dressé auprès de celui de l'homme au masque. Vous voyez qu'on prend quand même des... Enfin, en tout cas, Saint-Mars prend un luxe de précaution autour de ce prisonnier qui, évidemment, ne peut qu'attirer l'attention de ceux qui veulent connaître son identité. Finalement, le prisonnier et son gouverneur, si je puis dire, arrivent à la Bastille. On peut même précisément dater cette arrivée, c'était le 18 septembre 1698. Le lieutenant du roi à la Bastille écrit « À 3h après-midi, Monsieur de Saint-Mars, gouverneur du château de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée venant de son gouvernement des îles Sainte-Marguerite et Honorat, ayant mené avec lui dans sa litière un ancien prisonnier qu'il avait à Pignerolles, lequel il fait tenir toujours masqué, dont le nom ne se dit pas, et l'ayant fait mettre en descendant de sa litière dans la première chambre de la tour de la Basinière, en attendant la nuit, pour le mettre et mener moi-même à 9h du soir avec Monsieur de Rosarges et un des sergents que Monsieur le gouverneur a amené dans la troisième chambre seule de la tour de la Bertaudière, etc. etc. On a toutes ces précisions. Alors, la vie est triste, hein, évidemment. La vie à la Bastille était monotone, nous dit Jean-Christian Petit-Fils, rythmée par le tintamarre des verrous que l'on ouvrait et fermait à chaque étage. Dehors, au-delà du fossé fangeux, courait une galerie de bois avec son parapet sur laquelle passaient régulièrement les soldats de garde qui hurlaient les mots d'ordre de manière tonitruante. Alors, dans quelles conditions vit le masque de fer? Voltaire, qui sera en Bastille en 1717, qui a peut-être entendu parler du masque de fer dans la prison, en parle dans son fameux siècle de Louis XIV. « Il fut logé aussi bien qu'on peut l'être dans le château, dit-il. On ne lui a refusé rien de ce qu'il demandait. Son plus grand goût était pour le linge d'une finesse extraordinaire et pour les dentelles. Il jouait de la guitare, on lui faisait la plus grande chair et le gouverneur s'asseyait rarement devant lui. Un vieux médecin de la Bastille, c'est toujours Voltaire qui parle, qui avait souvent traité cet homme singulier dans ses maladies, a dit qu'il n'avait jamais vu son visage, quoiqu'il eût souvent examiné sa langue et le reste du corps. » La Bastille sera la dernière demeure de notre pauvre masque de fer, puisque, je vous l'ai dit, il y meurt en 1703 et Saint-Marc, lui aussi, mourra en 1708. Bon. Alors, disons-le, dès la mort du masque de fer, la légende se répand. Dès 1711, ça veut dire qu'on est 8 ans seulement après la mort du prisonnier, la princesse Palatine, donc la belle-sœur de Louis XIV en personne, parle de cette histoire à sa tante Sophie de Hanovre. Et quelques années après, c'est donc Voltaire qui rapporte une anecdote selon laquelle sur l'île Sainte-Marguerite, le prisonnier écrivit avec un couteau sur une assiette d'argent, jeta l'assiette gravée par la fenêtre vers un bateau du rivage, qu'un pêcheur qui ne savait pas lire ramassa l'assiette, l'apporta au gouverneur qui voulait être certain que le pêcheur ne savait effectivement pas lire. Et c'est Voltaire qui dira plus tard qu'il aurait pu s'agir du frère aîné de Louis XIV. À partir du moment où vous avez dit ça, eh bien, ce qui était une curiosité devient une énigme historique. Et c'est une énigme, il suffit de lire les réactions de nos auditeurs, qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour Franck Ferrand. C'est très agréable de vous avoir, c'est toujours très agréable de vous recevoir, mais puisque vous êtes celui qui avait le plus fouillé les archives sur la question du masque de fer et qui avait donné sur cette affaire une version dont on doit pouvoir dire qu'elle est définitive, c'est bien agréable de vous avoir avec nous cet après-midi. Vous savez, vous, la vérité sur le masque de fer, vous pouvez nous dire qui il était? Alors, c'est assez singulier, mais quand on regarde les archives, quand on lit surtout les comptes des prisons, les correspondances ministérielles, vous avez cité Louvois, Barbezieux, avec Monsieur de Saint-Marc, gouverneur, on s'aperçoit d'un décalage, très sensible entre la légende et puis la réalité. Et nous allons envoyer une page de publicité pour attiser encore la curiosité de nos auditeurs. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et quelle émission aujourd'hui ! Une émission pleine de suspense, avec ses énigmes historiques. Même vous êtes lesquelles... surprise par la musique là, hein ? Oui, mais je ne m'y attendais pas. On est accueillis, comme au palais. C'est la bande originale, toujours du film L'homme au masque de fer, que on vous conseille de revoir après cette émission. Pourquoi pas ? Parce que vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et vous êtes très nombreux à interpeller votre invité, Franck Jean-Christian Petit-Fils. Et vous êtes aussi historien. Très nombreux à nous écouter, il faut le dire. Et oui. Merci de votre fidélité depuis tant d'années. Dans quelques jours, on célébrera les 7 ans de cette émission quotidienne. C'est pas mal. Et merci à tous d'être là, effectivement, tous les jours à partir de 14h. Alors, il y a Marie qui vient de poster un message sur Twitter et qui dit « D'après Monsieur Petit-Fils, le masque de fer s'appellerait Eustache d'Angers. Il serait un domestique. Mais si c'est le cas, pourquoi portait-il un masque ?» Ah ben voilà, nous sommes là au cœur. C'est vrai que c'est... tout est dit. Voilà. Eustache d'Angers, vous confirmez, Jean-Christian oui. Petit-Fils. En fait, donc, l'examen de la correspondance, l'examen des comptes, c'est un puzzle très vaste. Il faut rassembler les pièces. Quand on y est parvenu, on s'aperçoit que l'homme au masque n'est ni un prince, ni un maréchal de France, ni un duc, ni le duc de Beaufort, ni le comte de Vermandois, ni Molière. On a parlé de Molière, ni Fouquet, le surintendant qui a été son voisin de cellule. Et à un moment donné, même... Oui, il aurait fallu qu'il ait le don d'ubiquité pour que ce soit Fouquet, puisqu'on le voyait parler avec Fouquet. Donc c'est... Voilà, voilà. Alors, c'est en effet un domestique qui s'appelle Eustache d'Angers, un simple valet. On le voit d'ailleurs avec par la pension qui lui est allouée, 165 livres, c'est pas grand-chose, contre 500 pour Fouquet, 600 pour Lauzun. On respecte la hiérarchie sociale en prison. On a des correspondances dans lesquelles on voit Louvois dire « Il faut que les habits durent 3 ou 4 ans à ces sortes de gens-là ». Alors qu'on autorise Fouquet à changer de vêtements, eh bien là, ça doit durer 3 ou 4 ans. Donc, c'est aucun doute un personnage de basse extraction. Quand il arrive à Pignerol en 1669, il ne porte pas de masque. Il ne le porte seulement qu'à partir de 1687. Et à ce moment-là, en effet, une gazette... Donc au moment où il s'en va, quand il part pour d'exil, Sainte-Marguerite, et une gazette à la main qu'on a retrouvée il y a quelques années, dit « Personne ne sait qui il est, il y a défense de dire son nom et ordre de le tuer s'il le prononce. Il était enfermé dans une chaise à porteurs ayant un masque d'acier sur le visage. » Qu'on appelle une gazette à la main, c'est un journal manuscrit. C'est un petit journal manuscrit qui circulait dans les milieux jansénistes c'est à ce moment-là. C'est seulement aussi, donc en 1698, quand on transfère le prisonnier de l'île Sainte-Marguerite à la Bastille, qu'on change le dispositif. Au lieu de ce masque d'acier et d'une chaise à porteur, signe d'aristocratie. C'est important parce que la chaise à porteur va se démocratiser. Voilà, ça va se démocratiser sous la régence, mais pas sous le règne. Donc c'est pour faire croire que c'est un personnage important. Le malheureux a manqué périr d'étouffement, c'est évident. Une chaise couverte de toile cirée, un masque sur le visage d'acier. D'où Samar prend une litière cette fois-ci et un masque de velours noir. Donc il y a deux masques. Mmh. Mais auparavant, il n'y avait pas de masque. Donc c'est pas le visage même de cet homme qu'il faut masquer. Qu'est-ce qu'il faut masquer ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que monsieur, enfin ce Eustache d'Angers connaît un secret important, mais qui n'est sans doute pas un secret fondamental concernant la monarchie française, la dynastie royale, etc. Moi, je pense, mais c'est pas une certitude, que c'est quelque chose qui est lié à un secret diplomatique. Il est arrêté en 1669 et on est en train de négocier très secrètement le grand secret, comme on dit à ce moment-là dans des correspondances chiffrées, le traité de Douvres, une alliance entre la France et l'Angleterre. Je pense que c'est quelqu'un qui a été mêlé à cette affaire, qui avait quelque importance à cette époque. Et puis, au bout d'un certain temps, l'affaire prend moins d'importance et on accepte à la demande de M. de Samar qu'on mette Eustache d'Angers, ancien domestique, au service de Nicolas Fouquet qui vient de perdre un de ses deux valets. Donc, tout se passe bien pendant un certain temps, mais comme on prend des mesures pour libéraliser le régime de détention de Fouquet et de Lauzun, qu'on accepte que les deux se rencontrent, il y a des instructions qui disent il faut que ce prisonnier ne parle à personne. Bon, donc c'est déjà on a diminué un peu l'intensité des mesures. Et en 1680, par des informations venues d'un espion, Louvois apprend que Fouquet et Lauzun communiquent constamment par l'intermédiaire d'un trou de cheminée, que Lauzun se hisse dans l'appartement de Fouquet et que naturellement il y a Eustache qui est là avec l'autre valet. Donc là c'est le drame puisqu'il a parlé devant quelqu'un d'autre. À ce moment-là meurt probablement d'une crise cardiaque à la suite d'une visite générale des prisons Nicolas Fouquet. Et les instructions sont très précises, données par Louvois. Vous devez renfermer les deux valets, faire croire à tous qu'ils ont été libérés, transférer Lauzun dans la prison de Fouquet pour qu'il voit bien qu'il n'y a plus personne. Et le dire à tous ceux qui vous poseraient des questions concernant ces domestiques, dire qu'ils sont. Donc ils disparaissent de la correspondance. C'est à partir de ce moment-là que Samar va multiplier les précautions. Et puis il s'en va à exil, au fort d'exil. Là, il est bien malheureux, vous l'avez dit, Franck Ferrand. Enfin, au bout de quelques années, il est nommé... D'abord à l'île Sainte-Marguerite. Ah, Sainte-Marguerite, pardon. Et là, il exulte et se met à bavarder. On a des exemples. Il dit qu'il va venir avec un prisonnier mystérieux. Parce qu'il a perdu entre-temps Fouquet. Et puis Lauzun qui a été libéré. Donc, il n'a plus que du petit gibier. Il est un petit peu déclassé, disons. Hein, voilà, deux merles. Comme il dit, j'aurai en garde deux merles. Hey, hey, bon, c'est plus défaisant, là. Voilà. Et il va donc parler, bavarder, raconter qu'il garde un prisonnier extraordinaire, qu'il a hors de le tuer si jamais il prononce son nom. En effet, c'était les premières instructions, mais elles avaient quand même bien diminué entre-temps. Et donc, on voit que M. de Samar est à l'origine du mythe. Il fait du zèle, comme on dit. Oui. J'imagine même que les correspondants qu'il a à Versailles, lorsqu'ils reçoivent ces rapports, doivent plutôt sourire, voire rire, en disant, mais il en fait des tonnes. Exactement. Mais ce zèle le sert, puisque... Et voilà. Il fait du zèle pour donner, voilà. Pour devenir, il pour se donne de l'importance. Très important. Voilà. Oui. Donc voilà l'histoire. T'es un petit peu décevant, faut bien reconnaître. Oui, mais... c'est vrai qu'on imagine autre chose. Le mystère de 1669 reste toujours. Alors voilà. Pour quelle raison a-t-il été arrêté ? Pour quelle raison y a-t-il eu des instructions comme très rudes, hein ? La lettre de 1669 de Louvois dit « Il faudra que vous portiez vous-même un sumé misérable une fois le jour de quoi vivre toute la journée et que vous n'écoutiez jamais sous quelque prétexte que ce puisse être ce qu'il voudra vous dire, le menaçant toujours de le faire mourir. » Donc là, il y a un mystère. Oui, il y a quand même... Au départ, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Et on trouvera peut-être un jour la solution de cette énigme-là. Exactement. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des grandes énigmes historiques et notamment celle du masque de fer avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils qui est aussi l'auteur, enfin le directeur des énigmes de l'histoire de France, un ouvrage collectif dirigé par Jean-Christian Petit-Fils paru chez Perrin et le Figaro Histoire. Alors il y a beaucoup de théories, les auditeurs se passionnent pour cette émission et Nicolas nous donne la sienne sur Facebook. Le masque de fer était en réalité Louis XVII qui est revenu dans le passé pour dresser la bête du Gévaudan, mais il s'est fait mettre en prison parce qu'il savait pour le complot contre Henri IV. Il a ensuite rencontré Jeanne des Armoises avec qui il s'est marié. Leur fils était le grand-père de Nandorf. Voilà mon hypothèse. Moi, est-ce que Nicolas ne serait pas en train de nous mettre en boîte là avec sa Macédoine, avec sa salade mythologique, si je puis dire ? Il est vrai que ce recueil, sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, ces énigmes de l'histoire de France reprennent un certain nombre des grandes énigmes. Mais alors, le moins qu'on puisse dire est que tout ça est traité avec le plus grand sérieux, Jean-Christian Petit-Fils. Et vous avez demandé à chaque fois à des spécialistes de chaque époque et de chaque sujet d'intervenir. Ce n'est pas un ouvrage fantaisiste, hein, non, disons-le. Voilà, il y a une fascination pour les énigmes de l'histoire. Sûr, oui. On le voit aux réactions de vos auditeurs. On se souvient d'Alain Decaux qui a aussi passé une grande partie de sa carrière. Et votre serviteur, et de oui, Franck évidemment, Ferrand, oui. Bien entendu aussi. Il y a beaucoup de travaux, mais il y a aussi beaucoup de travaux fantaisistes qui circulent, des invraisemblances, des extravagances. On mélange complétisme, ésotérisme, et on met ça à toutes les sauces. J'ai voulu donc m'occuper de ces affaires secrètes, mais en mobilisant les meilleurs spécialistes, vous l'avez dit, les historiens, les chercheurs qui ont travaillé sur ces énigmes. Alors, ce petit résumé, c'est presque la table des matières, mais en effet, on parle donc des Templiers, du mystère de Jeanne d'Arc, de la Saint-Barthélemy, de l'affaire des poisons, on parle aussi de la mort d'Henri IV, parce que ça, c'est un de vos sujets, à vous, là. La mort d'Henri IV, du mystère on peut peut-être s'attarder, si vous voulez, un peu, 5 minutes à cette mort d'Henri IV. Qui fait d'ailleurs partie des sujets que je développe sur scène maintenant. Oui, c'est vrai. En citant d'ailleurs à chaque fois Jean-Christian Petit-Fils, bien entendu, entre autres, et bien sûr Philippe Erlanger qui avait écrit ce livre passionnant au tout début des années 1960, il s'appelait L'étrange mort d'Henri IV. Henri IV a été tué incontestablement rue de la Ferronnerie en mai 1610 par Ravaillac. Ça, jusque-là, personne ne le conteste. Sauf que il semblerait bien que le Ravaillac en question n'ait pas été placé par hasard sur son chemin et qu'il y ait eu beaucoup de gens qui, dans l'ombre, avaient intérêt à la mort du roi, Jean-Christian Petit-Fils. Oui. Ravaillac, c'est un illuminé, un personnage à l'esprit dérangé, bien évidemment. Il a été chassé des Feuillants où il voulait se retirer. C'est un ultra-catholique qui reproche au roi de s'allier aux protestants contre l'empereur Rodolphe II. Il a des visions, il voit des hosties qui montent en l'air. Enfin, il est fou, bon. ou demi-fou. Mais et à 17 ou 18 reprises, il dira pendant son procès qu'il n'a pas eu de complice. Bon. Toute la question, c'est de savoir s'il n'a pas été incité, mais voilà. Poussé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des complices sans le savoir, parfois. Exactement. Un peu comme dans l'incendie de Rheinsteig, c'était l'exemple que prenait Philippe Erlanger, où Van der Lubbe a été manipulé par les nazis, tout cela pour se débarrasser des communistes. Quand vous avez un fou, le but, c'est ensuite de le mettre au bon endroit, au bon moment, d'une certaine façon. Alors, il y a deux théories, en fait. Une théorie qui a été développée par Philippe Erlanger et, au préalable, par Michelet, disant qu'il y a un vaste complot dans lequel le duc d'Épernon, la reine, donc l'épouse d'Henri IV, qui est au courant, les Concini, donc les conseillers de Marie de Médicis, et ce vaste complot donc vise à après le couronnement de la reine, assassiner le roi. Il y a quand même des éléments qui, notamment toutes les dénonciations émanant d'une femme qui s'appelle la Descommant, montre que quand on regarde au fond le procès de cette femme en 1611, donc elle dénonce la marquise de Verneuil qui est une ancienne maîtresse d'Henri IV et le duc d'Épernon d'être au centre de ce complot, beaucoup d'éléments ne correspondent pas quand on lui demande d'écrire ce Ravaillac au lieu de décrire un grand roux de taille et corpulent, elle montre un petit valet tout noir. Mais c'est normal, quand elle elle dit je suis une amie très très proche de la marquise de Verneuil. On interroge Mathurin Renaudin, qui est son aumônier, qui dit ah oui, la d'Escaumont, elle venait de temps en temps demander l'aumône. Bon, c'est elle une femme qui a abandonné plutôt, oui, elle a abandonné son enfant sur le pont Notre-Dame. Donc c'est une femme très, extrêmement douteuse. En revanche, moi j'ai trouvé qu'il y a un complot plus restreint qui est parti des Pays-Bas espagnols, à l'instigation très probable de l'archiduc Albert de Habsbourg, le frère de l'empereur Rodolphe II, une lettre d'un ambassadeur qui s'appelle Enjolras, qui n'avait pas été exploité du tout par les historiens, montre qu'il y avait une équipe, un commando, qui est venu à Paris en même temps que Ravaillac. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, croisement de conjurations, justement ? Est-ce que les deux thèses sont exclusives l'une de l'autre, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que plusieurs personnes dans des cercles différents aient œuvré au même assassinat ? Alors, est-ce que ces gens-là ont peut-être, et même moi je pense très vraisemblablement, rencontré Ravaillac au hasard des auberges. Ravaillac est resté plusieurs jours avant d'assassiner Henri IV. Ce qui est assez étrange, c'est que au moment où le roi est tué par Ravaillac, donc il monte sur le carrosse et puis donne trois coups sur le couteau sur le roi, eh bien apparaît rue de la Ferronnerie un petit groupe de 8 à 10 personnes à pied, 2 à cheval, qui, au lieu de vouloir porter secours au roi, se précipitent sur l'assassin en disant « Tu, il faut qu'il meure. » Il semblait surveillé, contrôlé. On a d'autres éléments qui laissent supposer que Ravaillac était un peu téléguidé. Alors, a-t-on armé le bras de Ravaillac ? C'est un des nombreux mystères, une des nombreuses énigmes qui sont traitées dans cette affaire. Mais il y a des sujets beaucoup plus contemporains aussi. Hein. On parle bien sûr du rendez-vous de Caluire, de l'arrestation de Jean Moulin, du voyage du général de Gaulle à Baden-Baden, oui, par exemple. Il est question d'un certain nombre de sujets. La mort de Zola, Rennes le château, etc. Ah oui, la Bessonnière, la faute de la Bessonnière. Tout ça, ce sont les énigmes de l'histoire de France, coédité par Le Figaro Histoire et par Perrin, sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Merci beaucoup. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors, chaque jour en fin d'émission, Franck, vous nous proposez de revenir sur l'origine d'une expression, d'une invention ou d'un mot. Alors, aujourd'hui, on va parler de nos repas. Parce qu'en France, on commence la journée avec un petit déjeuner. Autour de 13h, on déjeune. Et avant de finir la journée, avant d'aller se coucher, on dîne. Oui. Et ça a bien changé. Oui, parce qu'il y a eu des glissements. Vous savez, il a fallu tenir compte des évolutions, des habitudes, tout simplement. On commence par définition, normalement, par le déjeuner. Nous, on parle de petit déjeuner, mais il y avait un déjeuner, comme son nom l'indique. Ça rompait le jeûne. C'était le jeûne, devrais-je dire même. Ça, c'était le premier repas de la journée, bien sûr. Et puis, lorsqu'on arrivait, alors là je suis, on va dire, à la Renaissance si vous voulez, hein, lorsqu'on arrivait, on prenait donc cette première collation le matin, le déjeuner. Quand je dis collation, c'était même un repas relativement substantiel. Et puis plus tard dans la journée, eh bien, on prenait ce qu'on appelait le dîner. Ça, c'était le repas principal. Mmh. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, vers aux alentours de, je sais pas, enfin, à la tombée de la nuit, la nuit tombée même, devrait-on dire, on soupait, puisque c'était souvent, vous savez, les ragoûts qu'on servait le soir, des bouillons, tout simplement, des bouillons, des soupes. Bon, on soupait. Bon, alors cet ordre, il a bien changé depuis. Et oui, il a changé parce que, notamment sous l'effet, c'est la cour qui donne le là, vous savez, c'est la cour qui modifie les mœurs et les habitudes. Et à la cour, on a pris l'habitude de tout retarder, et notamment sous le règne de Louis XV. Si vous voulez, pour prendre l'exemple du dîner, alors qu'on dînait tôt, avant midi, à la fin du Moyen-Âge, que l'on dîne vers 13h à peu près sous Louis XIV, en tout cas le dîner du roi est servi donc vers 13h, et que l'on avait tendance à souper juste avant le spectacle, c'est-à-dire qu'on soupait, on va dire, allez, aux alentours de 18h, on s'est mis petit à petit à tout repousser considérablement, et sous le règne de Louis XV notamment. Alors le déjeuner est pris quand on se lève, et comme il y a beaucoup de gens qui se lèvent très tard à la cour, on vers se lève 11 à 11h, 11h30, donc on prend le déjeuner vers 11h ou même midi pour certains, et puis on repousse le dîner le plus tard possible parce qu'on a pris l'habitude de prendre le souper en rentrant du spectacle, après la comédie ou après le concert. Donc on se met à souper, il est 22, 23, parfois minuit même. C'est Madame de Genlis qui raconte ça, très bien d'ailleurs. Et donc on soupe très tard et résultat, le dîner lui-même, eh bien, il est repoussé vers 17, 18, bientôt 19 heures. Et à partir de la Révolution, après la Révolution, on a les horaires à peu près tels que vous les avez décrits tout à l'heure. Vous voyez que tout ça, petit à petit, a glissé d'une certaine manière. Le dîner qui est le repas de la mi-journée, on le prend le soir. Quant au déjeuner, eh bien... on est obligé d'inventer cette idée de petit déjeuner au XIXe siècle parce que le déjeuner était passé à 13 et même parfois à 14 heures.